ok. Reste qu'enfoiré le gif. C'est rapide, précis, sans contact. Mets le casque, allume le contact. Parle de moi et tu verras. Ce qui t'arrivera. J'crois que tu vas passer à travers, tu paieras. Gilera, vénère comme un gilet jaune. Écoute là c'est la voix des jeunes. Quand je te vois me coller, puis comme mamie v'là les jeunes. Je fume le jaune, quand je le fais ça fait un fumigène. En claquette je m'arrête à la lime et je vois que le cul de ma Audi gêne. Dans ma bulle comme un Simpson. Je pars du principe que si tu lèves un T-Max, tu lèves une Harley Davidson. Elle contente pas de ce qu'on lui donne. Elle fait la capricieuse, pour elle ça sera McDo. Une vue blonde feuille, une capricieuse. T'es belle tu chambres, soir on pète la jambe. J'en fume un, je regarde Netflix et je me fais pomper. T'es belle tu chambres, soir on pète la jambe. J'en fume un, je regarde Netflix et je me fais pomper. Tu vois, tu le verras. Parle de moi et tu verras. La main est grande, le cœur. Avec le G sur le Gilera. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des scélérats. J'suis casqué avec le poteau. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des scélérats. J'suis casqué avec le poteau. Parle de moi et tu verras. Ce qui t'arrivera, tu crois que tu vas passer à travers, tu paieras. Ah, tu gileras. On peut trouver même si tu te caches au Canada. Comme Joaquin, investir au Panama. J'arrive à Paris, viens au matin en Quadlaga. Tu viens me chercher, mais tu sais que je suis pas là-bas. Je suis un scélérat dans un Panamera. Sur le poignet du Jesus Lopez Zafira. Comportement toujours, je suis pas dans Samira. Je suis avec Anita, pour l'instant Samira. Un jour, elle s'en ira. Pour 2000 bahts ou 800 dirhams. Fais-moi, tu m'as tu le paieras. Parle de moi et tu verras. La maille est grande, il veut quelque chose. Avec le G sur le Gilera. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des scélérats. J'suis casqué avec le poteau. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des scélérats. J'suis casqué avec le poteau. Ça fait des pompes sur un salto. Transfert sur transfert, la dolle, c'est devenu pire que le mercato. Tu voulais tester Nada, en dolle, faut sortir de la Nada. Je garde mes valeurs là-bas, là, y'a rien qui arrive par hasard. Là, c'est Paris, c'est marre, les gérants du Qatar. Brésilien comme les marques, bruxellois comme Eden Hazard. Là, c'est Paris, c'est marre, les gérants du Qatar. Brésilien comme les marques, bruxellois comme Eden Hazard. Scooter d'Italie, mental comme à Napoli. Les gens comme Mbappé, buteur comme Balotelli. De Paris à Marseille, ça comme une idée. Comme dans le cartel de Medellin. Fais-moi du mal, tu le paieras. Parle de moi et tu verras. La maille est grande, il veut quelque chose. Avec le G sur le Gilera. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des scélérats. J'suis casqué avec le poteau. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des scélérats. J'suis casqué avec le poteau. J'arrive par les fédéraux, mais d'air comme un scélérat, les charbons.